Bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de ce 1er mai 2019, la grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Célébration ce mercredi, le 1er mai, de la journée internationale du travail des travailleurs, le président de la République, Pierre Nkurunziza, se dit satisfait des Burundais qui se donnent pour développer leur pays. Le président Pierre Nkurunziza a mis en garde ceux qui ont utilisé les contributions aux prochaines élections pour leurs intérêts qu'ils doivent régulariser leur situation avant la fin de ce mois. Et la circulation sur la route Mena au chef-lieu de la zone Moussaga en provenance de Kinanira est perturbée suite au ravin au niveau de l'endroit appelé communément Tchétchéni. Et les volontaires de la Croix-Rouge contribuent pour assister les gens les plus vulnérables dans la société à la base. Ces derniers apportent leur appui pour le rétablissement des liens familiaux. Voilà pour les titres. Moïse Misago est à la présentation à la cabine technique. Séraphine Hakizimana, bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Le Burundi s'est joint à d'autres nations pour célébrer la Journée internationale du travail des travailleurs. Au niveau national, les cérémonies se sont déroulées dans la province Rumonge où elles ont été rehaussées par le chef de l'État Pierre Nkurunziza. À Ngozi, ces cérémonies ont été rehaussées par le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore. C'est au moment où le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, est dans la province de Muyinga. La politique gouvernementale d'harmonisation des salaires pour les fonctionnaires de l'État va porter un léger mieux, même si ça a créé des frustrations chez certains, surtout ceux qui avaient un salaire élevé. Cela a été dit par certains fonctionnaires ce mercredi, le 1er mai, au moment de la célébration de la journée du travail des travailleurs. Ces fonctionnaires ajoutent que cela démontre une certaine justice salariale. Suivez-les au micro-baladaire de la radio Isanganiro. Nous fêtons cette journée du travail aujourd'hui en connaissant que l'harmonisation des salaires est en cours, ce qui nous est vraiment appréciable au point de vue politique du gouvernement. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un léger mieux au point de vue des salaires grâce à cette politique mise en place. Pour le moment, je pense qu'il serait mieux d'attendre la finalité de ce travail, sinon il n'y a pas de recommandation spéciale. Nous attendons la fin de ce travail. Mon sentiment est clair. Moi, je prône pour la justice sociale. Travailleurs dans le même état et le même salaire. Pour moi, c'est si même le système crée des mécontentements, pour moi, je pense que c'est plus juste que les travailleurs dans le même état soient rémunérés plus ou moins de la même façon. Pour moi, je soutiens totalement l'harmonisation des salaires. Les annales, c'est vrai, ça crée des mécontentements. Peut-être que c'est lié avec la situation financière actuelle. C'est vrai, ça crée des frustrations, même dans notre entreprise. Il y a 4 ans qu'on n'a pas les annales, mais quand même, on ne peut rien, on doit attendre. Et, comment on aime le dire, on suppose qu'il y a une aide. Au niveau des annales, je pense aussi que c'est aussi la préoccupation de l'État de faire revenir cette augmentation salariale en passant par les annales. Pensons aussi que très prochainement, ou disons aussi l'année prochaine, cette fête, après avoir décroché les avantages attendus, tant au niveau de cette harmonisation et aussi tant au niveau aussi du retour des annales. Donc nous attendons toujours l'amélioration des conditions de vie, nous attendons toujours l'amélioration de nos salaires et traitements. Et nous sommes donc travaillés donc, de ce jour, puisque nous sommes dans ce défilé ici, comme vous voyez, nous sommes donc très nombreux, tout le monde se sent très bien. Donc ce sont des choses, ce qui concerne le salaire, donc l'harmonisation donc, salariale, a déjà commencé. Ceux qui ont des salaires très bas, tant donc pour qu'on continue dans les autres ministères, donc les ministères donc, qui sont moins rémunérés, donc on va rémunérer. Et le président de la République se dit ravi des Burundais qui se donnent corps et âme pour développer leur pays dans divers secteurs de la vie du pays. Cette annonce est du président de la République dans son discours à la Nation ce mardi, à la veille de la célébration de la fête du travail des travailleurs. Le président Pierre Nkurunziza déplore toutefois le comportement indigne qui ternit l'image du pays comme celui de l'administration et de la justice. Pierre Nkurunziza, président de la République, a aussi déploré les commerçants qui ne rapatrient pas les devises. Suivez le président de la République, Pierre Nkurunziza, il est traduit en français par Évariste Ndikobanyanka. Turashimiye kandi incabwenge z'abarundi mu bisata bitandukanye mu byumviro n'impano. Nous remercions les intellectuels burundais qui ne cessent de contribuer pour développer et ainsi défendre l'honneur de leur patrie. Même si nous sommes satisfaits des réalisations dans presque tous les domaines de la vie du pays, nous déplorons les actes posés qui n'honorent pas et qui sont posés par une minorité de Burundais qui continue à s'observer dans différents secteurs de la vie du pays, comme dans l'administration, dans les forces de l'ordre et de sécurité, dans la justice, dans le domaine de santé, dans l'économie, dans le secteur des travaux publics et de l'urbanisme, dans le secteur de l'éducation, que ce soit les éducateurs irresponsables ou les éduqués qui se méconduisent, les fonctionnaires retardataires au travail, ceux qui n'accomplissent pas convenablement leurs tâches et ceux qui divulguent le secret professionnel, ceux qui menacent la sécurité et l'économie du pays, les fonctionnaires de l'État qui s'arrogent des grands pouvoirs, ceux qui fabriquent des produits nuisibles à la santé humaine, ce qui ont fait des sociétés étatiques les leurs ainsi que d'autres. Même si ces derniers sont minoritaires, ils ne sont pas à négliger. Nous déplorons aussi les gens à titre individuel qui posent des actes indignes. Ici, on peut citer ceux qui détruisent l'environnement, des commerçants qui s'en cachent et d'autres qui exportent des produits et qui ne rapatrient pas les devises, y compris ceux qui vendent des médicaments périmés, ceux qui exigent des corruptions et bien d'autres. Les hommes de l'Église qui ont dérapé et ceux qui ternissent l'image de leur patrie et d'autres comportements irresponsables. Dans son discours à la nation, le président de la République a annoncé que les subventions du gouvernement pour appuyer les projets de développement des communes ont été revues à la hausse de 500 millions à 570 millions de francs bou. Le président Pierre Nkurunziza a par ailleurs indiqué que ce mois de mai est la date limite pour ceux qui ont utilisé les contributions aux élections de 2020 à d'autres fins d'avoir régularisé leur situation. Sinon, ils seront traduits en justice. Suivez encore une fois le président de la République, Pierre Nkurunziza. Nous allons continuer à appuyer les projets de développement communautaire des communes du pays. Nous allons revoir à la hausse les 500 millions jusqu'à 570 millions. Cela étant, nous rappelons que cette subvention aux communes ne vient pas remplacer les fruits des travaux communautaires. Nous félicitons et nous encourageons les communes qui ont fait les travaux communautaires une priorité que les autres communes en tirent une leçon. Nous célébrons cette journée une année avant les élections de 2020. Nous disons merci aux Burundais qui n'ont pas attendu une aide de l'extérieur en donnant des contributions pour appuyer ces échéances. Nous sommes très fiers de l'étape déjà franchie dans les préparatifs de ces élections, mais nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil à ceux qui ont pris des sommes d'argent dans les contributions pour les élections de 2020, de les rembourser avant la fin de cette année. Au cas contraire, ils seront traduits en justice. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et près de 600 000 volontaires de la Croix-Rouge Burundi sur différentes collines du pays assistent les plus vulnérables dans la communauté. La précision est du directeur des programmes à la Croix-Rouge qui indique en outre que leur présence au Burundi date de 1964. Entre autres activités, souligne Étienne Ndikuriyo, le rétablissement des liens familiaux. Une opération exécutée avec le comité international de la Croix-Rouge CICR. Suivez-le au micro de Mireille Kanyangé. À travers les années, on a mené pas mal d'activités dans le cadre humanitaire parce que nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Nous sommes présents en tant que société nationale. On commence par la colline. Sur toutes les collines du pays, nous avons des structures très décentralisées qu'on appelle les unités collinaires. C'est un rassemblement de volontaires qui acceptent de donner de 2 à 4 heures par semaine de leur temps pour assister les plus vulnérables dans la communauté qu'ils identifient eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons un réseau le plus vaste d'Afrique, d'à peu près 600 000 volontaires qui sont là, qui sont au niveau communautaire et qui travaillent. La Croix-Rouge du Burundi ou le CICR, quels sont vos points de divergence ou de convergence? Je ne dirais pas qu'on a des points de divergence. On est membre d'une même famille, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui rassemble trois composantes. Il y a la composante société nationale comme la Croix-Rouge du Burundi, comme une autre société nationale, Croissant Rouge de quelque part ou Croix-Rouge de quelque part ailleurs. Et nous avons le CICR qui est une deuxième composante et une troisième composante qui est la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et chaque composante à son mandat. Il y a un mandat de la Croix-Rouge du Burundi, c'est en temps de paix contribuer au développement du pays et en temps de guerre agir comme organisation humanitaire auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Participer aussi à la gestion de toute forme d'urgence liée aux catastrophes naturelles. Pendant que le CICR, c'est un partenaire en tant que membre de cette composante de ce mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, c'est un partenaire de la Croix-Rouge du Burundi. Et nous avons des activités que nous menons ensemble qui entrent dans le mandat du CICR et dans les sociétés nationales. C'est par exemple le rétablissement des liens familiaux, les activités liées à l'eau, hygiène et assainissement, des activités liées à la diplomatie humanitaire. Il y a d'autres activités de protection, de prévention et tout le reste qui relèvent du CICR. Etienne Ndikuriyo, il est directeur des programmes à la Croix-Rouge et il était au micro de Mireille Kanyange. Et il a dit cela ce mardi lors d'un atelier d'échange avec les journalistes sur les activités de ces deux organisations burundi ainsi que les 70 ans de signature des 4 conventions de Genève. Et la route partant du petit séminaire de Kanyosha vers la zone urbaine de Moussaga au quartier de à l'endroit communément appelé Tchétchéni est bloqué. De plus, cette localité est privée d'eau potable suite au ravin étant venu de la rivière Kanyosha. Les habitants et les autorités locales demandent que le ravin soit réhabilité, d'autant plus qu'il y a ceux qui ont déjà pris la fuite. Le point avec Elinibel Nibigira. Ce sont les habitants des environs de cette route bloquée à l'endroit d'Itchecheni, au quartier Kinanira 2 de la zone urbaine de Moussaga. La route a été bloquée suite au ravin qui s'est progressivement agrandi. Certains de ces habitants regrettent que ce ravin va bloquer toute circulation et pire encore, ils sont privés d'eau, poursuivent-ils, car les tuyaux qui les approvisionnaient en eau se sont cassés. Ce ravin qui a détruit la route a causé la fuite de certaines familles, affirment les mêmes habitants. Où pouvons-nous aller? Nulle part. On aurait pu partir depuis longtemps. Nous sommes toujours à la recherche d'un endroit de refuge. Ils sont déjà partis. Ils ont pris fuite parce que personne ne peut rester ici. Je pouvais aller au défilé comme les autres, mais comment est-ce que j'allais laisser seuls les enfants? Nous devons rester vigilants. Ces départs sont également confirmés par Léopold Nibaruta, chef de cellule de Tchétchénie, qui déplore également que les enfants ne trouveront plus de passage pour aller à l'école. Il dit également avoir soumis la question aux autorités hiérarchiques mais sans succès. Les responsables administratifs sont bien au courant de cette situation. Le chef de quartier et l'administrateur ont déjà transmis le rapport. Mais vous voyez très bien que ce ravin est dangereux. Nous n'avons pas d'eau maintenant. Bientôt, les maladies. Ces habitants, de même que les administratifs locaux, demandent d'être approvisionnés en eau et la réhabilitation de ce ravin avant que la situation ne s'empire. Merci Elinibel Nibiga. Et pour boucler cette édition, parlons la politique de stabilisation permanente en province Makamba, où un délégué du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vulgarise cette politique. Le point avec Jérôme Hakizimana. Comme l'a dit celui qui avait représenté le ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage dans cette réunion, cette loi a prévu des sanctions pour tout propriétaire dont le bétail est trouvé en circulation irrégulière ou en état de divagation, qu'il sera punissable comme suit. 5 000 à 10 000 francs par tête pour les bovins, 2 000 à 3 000 francs par tête pour les caplins, les ovins et les porcins, 1000 à 2000 francs par tête pour les autres animaux concernés par la présente loi. Cette loi n'a pas manqué de mettre en garde tout gardien, continue-t-il, qui laisse divaguer le bétail qui lui est confié, que ça sera punissable d'un emprisonnement allant d'un mois à deux mois ou une amende de 50 000 à 100 000 francs. Toutes ces amendes seront versées au compte du trésor public et toutes ces sanctions après le 3 octobre 2021. Boutoï Mekior rappelle tout éleveur que lorsqu'il est en possession d'une vaste propriété, que si ce dernier le demande au concerné, qu'il peut y faire l'élevage, mais que cette prairie doit être clôturée et subdivisée en parcelles appelées paddock, permettant une gestion rationnelle du pâturage, le logement des animaux étant à l'intérieur de cette prairie. Les participants ont salué fort cette loi qui, selon eux, portera tant d'avantages aux éleveurs et ont demandé aux concernés que ces derniers aient des cartes d'éleveurs ainsi que l'avenir de nouvelles sortes d'herbes fourragères en plus de ce qui existait déjà. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. Passez un bon après-midi. Au revoir.